Rap massif pour les mastocs et les impulsifs. Phrasé lourd, un mec qui pèse 76 kilos. J'ai des phrases stylées, le philosophe fait cracher le stylo. Je suis pas là pour te bercer, je rappe pour percer. Perso, je suis pas de ceux qui espèrent gagner au tiercé. Mon tir c'est droit au but, j'ai plutôt bonne répute. Dehors c'est la jungle, pour rien des gars de but. Frère, baisse ton arme, trop de familles en larmes. Les jeunes sont sous le charme du crime, fais sonner l'alarme. Lyrics pour les opprimés, pour tous ceux qui ont trop trimé. Tu sais la rue c'est fat, alors s'te plaît vite de frimer. Big up à moi-même, comme jouer Rosta. J'aime pas les Rostas qui passent leur temps à jouer les Rostas. Respect à tous les Rastas, à tous les mecs au carplat. J'aime trop la vie, donc si la mort m'appelle, j'te jure j'pars pas. Les temps sont durs, on cherche la liberté d'expression. Attention, monde, dans nos quartiers ils mettent la pression. Le danger dur, j'arrive violent comme une agression. Attention, fais pas le con. Les temps sont durs, on cherche la liberté d'expression. Attention, monde, dans nos quartiers ils mettent la pression. Le danger dur, j'arrive violent comme une agression. Attention, fais pas le con. Plus j'ai des soucis, plus je deviens somniaque. Mais ça peut être dangereux pour moi comme en temps de guerre. Pour un bosniaque, crime démoniaque. Le monde est strict, prends ton caméscope, les règles sont strictes. T'amènes en balade dans mon district. Sur ma zik et bouge ta tête en zigzag, zigzag. À peine j'parle N'Go, tout le monde dit que j'drague. Sans blague, j'représente les mecs qui font pas semblant. Le jour de mon mariage, sur tous mes potes, venez tous en blanc. Sur le vent, mon esprit vagabonde. Les hommes préfèrent les blondes, black solitaire. Mais j'suis pourtant pas seul au monde. Famille nombreuse, j'ai connu les lits superposés. Tu peux toujours causer, j'reste Lion, le mec superposé. Derrière moi, j'entends des murmures. Les gens m'observent, c'est pas pour autant que j'dois raser les murs. Même dans le désespoir, j'espère, j'aspire à une vie meilleure. En Dieu, j'crois, même si ce monde exaspère. Dur, on cherche la liberté d'expression. Attention, monde, dans nos quartiers ils mettent la pression. Le danger dur, j'arrive violent comme une agression. Attention, fais pas le con. Les temps sont durs, on cherche la liberté d'expression. Attention, monde, dans nos quartiers ils mettent la pression. Le danger dur, j'arrive violent comme une agression. Attention, fais pas le con. La mémoire m'échappe, j'suis pas là pour jouer les méchants. Tranchant dans mes textes, vigilant comme un keuf sur les champs. Merci mille fois à tous ceux qui me soutiennent. La famille, mes amis les plus proches de la vie quotidienne. Chica, tous pris dans le même engrenage. Si tu fais pas gaffe, tu feras tuer par ton entourage. Je te rassure, y'a pas que Roméo qui doit mourir. J'ai craint le pire, mais si tu veux ma peau, tu peux toujours courir. La vie est pleine de métaphores, je suis pas dans mon état fort. Fier comme toi, je rame à la recherche du réconfort. Créteil, le 9-4, mon ghetto, j'ai perdu ma gaieté. La vie m'a pas gâté, je veux ma part du gâteau. Je dédie ces paroles à tous les non-voyants, c'est vrai. Dans le monde, il se passe des trucs effrayants, tu sais. Overdose, tremblement de terre, suicide, viol, guerre, famine, sans compter les homicides. Les temps sont durs, on cherche la liberté d'expression. Attention, monde, dans nos quartiers, ils mettent la pression. Le danger dur, j'arrive violent comme une agression. Attention, fais pas le con. Les temps sont durs, on cherche la liberté d'expression. Attention, monde, dans nos quartiers, ils mettent la pression. Le danger dur, j'arrive violent comme une agression. Attention, fais pas le con.